Dans la salle de bain. Voilà la salle de bain. La baignoire, le lavabo, le bidet. Et voilà vos serviettes. Oh, c'est charmant ici. J'ai un rasoir électrique. Est-ce qu'il y a une prise de courant? Oui, monsieur. Voilà la prise de courant et le bouton. Je voudrais jeter un coup d'œil aux chambres des enfants. Les chambres 4 et 10 sont au deuxième et au cinquième étage. Vous voulez prendre l'ascenseur, monsieur? Oui, très bien. Et moi, je voudrais prendre un bain.